chanter. T'es que oh, oh, c'est bon que t'es que oh, quel ne cesse tes sentimientos. Là c'est bon que t'es que oh, mami, mami, mami, t'es que oh, c'est bon que t'es que oh, quel ne cesse tes sentimientos. Permettez-moi expliquer, le sens est important. Je ne sais pas que t'es ce qui devait être une histoire sans cesse. Okay.